des lèvres brunes, ma peau s'incline. Chaque souffle devient doctrine. Je ferme les yeux, ton feu s'installe. Chaque mot danse, chaque geste s'emballe. Rares qu'il crasse sa voix dans l'air. Un timbre rauque, brut et sincère. Nos deux voix glissent dans la nuit. Chaque note m'attache, chaque cri me suit. Souffle court sur ma poitrine. Chaque frisson s'imprime, s'incline. Ta voix m'enlace comme une étreinte. Chaque mot chuchoté m'étreint. Riders qu'il grève son nom en moi. Sa voix rauque s'impose, je la vois. Nos deux murmures se mêlent au noir. Nos voix éclatent, nos corps s'enflamment. Ces vibrations consument nos âmes. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque pulsation devient sève. Feel my body. Nos chants s'élancent. Chaque souffle devient transe. Riders qu'il m'appelle, je succombe. Sa voix rauque domine les ombres. Nos murmures glissent dans les terres. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Chaque battement devient trêve. Sous les néons, la fièvre s'installe. Rider's kill règne, brutal et fatal. Feel my body. Le skill brûle dans mes veines. Un chant charnel, une douce chaîne. Ride a skill. Ride a skill.